Le duo préféré de notre libraire est de retour avec une histoire drôle à souhait et une finale qui frappe. Et Christian de la succursale du Vieux-Québec vous suggère « En attendant, Beau Jungles » de Olivier Bourdeau. Ce premier roman raconte la valse émouvante d'un amour fou, littéralement fou. Une histoire belle et triste à la fois, portée par une langue délicieusement inventive. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Objectif, 40 000 $. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 1er avril 17h et vous pourriez gagner le prix spécial pré-radiothon de 150 $ de la boutique Le Pédalier et le prix spécial Membership, un panier de certificats cadeaux d'une valeur de 200 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. 1, 2, 3, 4 et... Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine en arts visuels à Québec. Audrey Carreau au micro avec vous à cette édition du 15 mars. Et je suis bien sûr accompagnée de ma collègue Jean-Tiane Lafrance. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey. Alors, malheureusement, tu es prise avec une grosse grippe aujourd'hui. Un état grippal. Alors, voilà, on va te ménager quand même aujourd'hui, mais tu seras parmi nous. Merci d'être là, malgré cette grosse grippe et ces petits yeux que tu as, là. Heureusement, on est à la radio. Oui, c'est ça. On fait juste entendre ma voix éraillée. Alors, côté art visuel, ces temps-ci, on est un peu dans un moment de changement. Plusieurs expositions se sont terminées la semaine dernière et plusieurs autres ouvrent cette semaine. On va le voir à la fin dans le calendrier des événements. Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine à Québec. Et d'ailleurs, notre émission aujourd'hui, on va justement parler plus tard à Raphaël de Groot qui tient un événement là demain au Musée national des beaux-arts du Québec. Oui. Donc, un genre de lancement, performance. Exactement. Donc, c'est le catalogue de l'exposition qui a cours en ce moment au musée et puis une performance qui va accompagner le lancement du catalogue. Donc, enfin, on pourra parler plus longuement tout à l'heure avec Raphaël qui sera avec nous pour une bonne vingtaine de minutes à discuter là, à la fois de son exposition, mais aussi de cet événement qui s'en vient. Également, en première partie d'émission, on va jaser avec Marie-Claire Tremblay qui va s'entretenir avec Guillaume Tardif qui va nous parler de cette œuvre d'art publique qui sera installée là, tout près du studio de CKRL, donc à quelques pas ici, au coin là, de la 3e avenue et de la Canardière. Donc, on va pouvoir plus longuement parler de cette œuvre d'art-là. Et on va terminer avec quoi, Jean-Tiane? En toute fin, Audrey, tu vas passer en entrevue Sarah Booth au sujet de son exposition qui va débuter cette semaine au Cercle, une exposition intitulée « Vibe ». Oui, vibre. Vibre, oui, voilà. Pardon. Voilà. Alors, ça va. Alors, peut-être avant de poursuivre, vous faire une petite mention. Si vous êtes un auditeur assidu de CKRL, vous savez que le Radiothon de CKRL va se tenir le 1er, 2 et 3 avril. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, bien, vous l'apprenez à l'instant. Et bien sûr, la station sollicite, bien sûr, vos dons, mais en pré-radiothon, donc vous pouvez le faire soit en renouvelant votre carte de membre ou également aussi en faisant un don de 20$ ou plus avant le 1er avril 17h. Et bien sûr, quand on est à l'avance, bien, on a des petits privilèges comme ça. Il y a des cadeaux, bien sûr, à gagner. Donc, pour ceux qui feront un don, il va y avoir un panier cadeau d'une valeur de 200$ qui va inclure des certificats cadeaux, donc du bar Le Sacrilège, Le Sacrement, le projet Maelstrom dans Saint-Roch et Neon Sushi. Également pour ceux qui vont renouveler leur carte de membre au coût de 25$ seulement, qui vous fait bénéficier de rabais à longueur d'année, c'est 150$ à la boutique Le Pédalier à gagner. Donc, pour faire un don ou devenir membre, on peut le faire par téléphone au 418-640-2575. Poste 201. Vous pouvez passer sinon durant les heures de bureau ici même à la station 405 sur la rue sur la 3e avenue, bien sûr, ou faire un don aussi sur le site de CKRL par le service PayPal. Donc, soyez avec nous à l'écoute lors du Radiothon le 1er, 2 et 3 avril. On attend on souhaite que vous soyez très généreux et on sait que nos auditeurs de l'aérospatiale sont des super auditeurs. Avant de passer à la pause audio, Marie-Claire Tremblay est parmi nous. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, Audrey et Gentiane. Alors, tu voulais nous glisser un petit mot rapide sur un projet de médiation auquel tu as l'opportunité de participer, qui est en collaboration avec Méduse. Oui, tout à fait, qui est coordonné par Méduse, qui vient quand même, c'est un projet de la Ville de Québec aussi, financé par l'Entente. Ça s'appelle Connexion des connexions. Peut-être que vous en avez entendu parler un petit peu dans vos réseaux. Je viens vous parler aussi parce qu'on cherche des participants encore et toujours, donc des adolescents de 13 à 17 ans. Et c'est un projet vraiment cool, je trouve. On a formé un groupe d'artistes, 6 artistes qui vont se promener dans les 6 arrondissements de la ville de Québec, qui vont aller donner des ateliers d'initiation aux jeunes. Et c'est 6 artistes qui ont des disciplines vraiment différentes. Donc c'est l'occasion pour les jeunes d'explorer un peu ça. De créer, d'expérimenter. Et puis, je vous dis ça aussi parce qu'il y a des rencontres d'information sur le projet. Donc, les jeunes peuvent venir assister à ces rencontres-là. Il y en a cette semaine et la semaine prochaine. Il y en a une dernière aussi à la fin mars. Donc, toutes les informations sont sur notre page Facebook, Connexion des connexions. Et peut-être aussi rappeler qu'on a plein de prix à gagner dans le cadre de ce projet-là et qu'il y a un événement aussi de clôture qui s'annonce être un beau défi. C'est le 19 juin. Ça va se passer dans la salle multi de Méduse. Et là, ça s'appelle le camp. C'est un défi de co-création. Donc là, tout ce que les jeunes auront expérimenté un petit peu dans les ateliers, bien, ça va être l'occasion pour eux de peut-être choisir une discipline, d'aller un petit peu plus loin de ça et de créer ensemble. Puis il faut rappeler aussi aux ados, hein, c'est aussi l'occasion de rencontrer du monde parce que là, il y aura tous les 6 arrondissements qui vont être rassemblés pour cette journée-là. On finit ça aussi par un petit party. Donc, surprise, DJ et band invités le 19 avril. Donc vraiment, je pense que c'est un beau projet, ça vaut la peine. Puis en plus, même pas besoin d'avoir des aptitudes particulières, juste être un ado qui a envie, tu sais, de découvrir des choses, qui est un petit peu curieux. De vivre une expérience hors du commun. Ben oui, puis de rencontrer des artistes, tu sais, d'aujourd'hui, hein, qui sont professionnels, justement, de s'initier à ça. Donc, Connexion des connexions, ben c'est sur la page Facebook, facebook.com/ Connexion des connexions QC. Donc, venez en grand nombre. Ben c'est super. On va aller consulter justement cette page-là et on invite nos auditeurs qui ont des jeunes à aller voir ça, à les faire participer à cette expérience qui, je n'en doute pas, va sûrement marquer quand même un petit peu ces jeunes adolescents. Ben oui, certainement. Super. Alors nous, on s'en va en pause audio. On s'en va écouter le groupe Teviski et c'est l'extrait Pale Autumn. Alors, nous sommes de retour et je suis en compagnie toujours de Marie-Claire Tremblay, mais on accueille en studio Guillaume Tardy. Bonjour, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, Marie-Claire, tu voulais qu'on parle un petit peu de ce projet que Guillaume prépare à quelques pas ici de CKRL, donc un projet d'art public, un premier projet d'art public, Guillaume, pour oui, toi? Oui, c'est un premier projet d'art public permanent pour moi, ouais. Très excité de faire ça. J'espère. Et c'est grâce à la mesure première ovation, je oui, pense, que j'ai gagné le concours l'année dernière. Concours art public de première ovation, oui. Donc, merci. L'édition 2015. Super. Ben c'est ça. Moi, j'étais vraiment emballée par ce projet-là parce que d'abord, ben vous le savez peut-être, là, je m'intéresse vraiment beaucoup à l'art public. C'est un art qui va justement à la rencontre des gens, qui se déplacent directement dans le quotidien. Et en plus, ça se passe dans le vieux Limoilou, mon quartier. Je suis là depuis quelques années. Fait que vraiment, un amalgame que je trouvais vraiment, vraiment trippant. Puis bon, on n'a pas encore tout à fait de... Ben, on n'a pas d'images encore qui sont sorties de cette œuvre-là. Là. Ça ne devrait tarder, par ben, contre. Ben, si on demande au service de communication de la ville, il devrait y avoir quelque chose, là. En tout cas, j'ai photos de maquette, que ça viendra. Mais on peut quand même dire que cette œuvre-là, ben, c'est une œuvre figurative. Oui. C'est un loup. Oui, pourquoi le loup, Guillaume? Ben écoute, moi, dans mon travail, je travaille toujours à partir de des espèces de fragments que je ramasse à gauche, à droite. Ça passe souvent par des objets que je vais trouver, mais dans ce cas-ci, comme c'est de l'art public, puis qu'il y a des enjeux de pérennité qui se trouvent à être très, très importants, j'ai plutôt puisé des petits fragments de ce que moi, je considérais être Limoilou ou l'esprit de Limoilou, tout ça. Puis en fouillant, il y a un moment où ça m'est comme sauté en plein visage, mais j'avais cette idée-là de l'esprit du quartier comme une espèce de présence bienveillante qui veillerait sur le quartier, qui est un quartier qui a 100 ans d'histoire, qui a aussi tout son réseau de ruelles, puis il y a une espèce de... Tu sais, je voyais l'image d'une espèce de bête ou d'esprit qui se serait promené depuis 100 ans, tu sais, dans une espèce en parallèle dans les petites ruelles, puis à un moment donné, ben, ça m'est comme sauté au visage. J'avais le goût d'utiliser le lieu, le timing aussi qu'il y a autour de ce projet-là, qui est la revitalisation de la Plaza Limoilou pour en faire un projet permanent, le fait que c'est situé à l'épicentre du quartier, directement au coin de la Canardière puis la 3e avenue. Fait qu'il y avait tout ça qui tombait en place, puis pour moi, c'était évident qu'il fallait utiliser ce projet-là pour mettre en scène une espèce de présence bienveillante qui serait comme l'esprit du quartier. Puis ben l'esprit du quartier, si on l'imagine comme étant un animal, c'était évident qu'il fallait que ce soit un loup. Il y a des traces du loup dans l'imaginaire populaire du quartier depuis au moins la fin des années 60. Mais il y a des faits aussi, là, c'est ça que tu me disais, là, justement, tu parlais du... c'est-tu le pub ou... Oui, ben en fait, j'ai retrouvé des traces d'une expression que genre les cégepiens utilisaient dans... Tu sais, au début du cégep, la fin des années 60, début 70, il y avait Limoilou, les gros loups, qui était comme une expression. Moi, j'ai 35 ans, les gens de ma génération ou plus jeunes l'ont pas vraiment entendu, mais plusieurs personnes de la génération de nos parents ont vraiment, dans des contextes complètement différents, m'ont cité ça. Donc, je sais de sources sûres que ça existait. Puis, ça a même donné le nom à un café qui s'appelait Café Les Gros Loups, qui était sur Canardière, pas loin d'ici. Un autre fait que j'ai découvert par hasard. Puis là, ben, quand on se met à fouiller, on trouve plein de petites traces du loup qui se répercute. Puis dernièrement, ben, à cause de l'incendie chez Falardeau, il y avait le loup qui est revenu dans l'espace public. Limoilou en vrac en a un T-shirt qui... Donc, tu sais, c'était là, c'était dans l'esprit populaire, mais j'avais envie de le matérialiser puis de lui donner la place qui lui revient à ce loup-là, qui est à dire en plein cœur du quartier, une fois pour toutes, œuvre permanente, il est là, puis il appartient à tout le monde. Puis il y a quelque chose aussi d'intéressant sur les photos que j'ai pu voir, là, vraiment comment le loup est fait à l'intérieur, la genre de texture qui forme la sculpture. Oui. T'as emprunté ça à quelque part aussi. Ben oui, là. Oui, en fait, c'est que la forme du loup en tant que tel est toute faite à partir des éléments de langage visuel qu'on trouve dans les balcons, parce que les balcons en fer forgé de Limoilou, c'est un élément patrimonial reconnu. Oui. C'est quelque chose qui donne sa signature au quartier, c'est propre au quartier Limoilou. On en retrouve des petits échos ailleurs dans la ville de Québec, mais c'est vraiment centralisé dans ce quartier-là. Puis on retrouve quand on fouille dans les brochures patrimoine bâti de Québec, ben quand on arrive à la section Limoilou, il est vraiment nommé noir sur blanc que ça fait partie du patrimoine. Puis évidemment, à travers ça, on retrouve les fameuses retailles de patins de la St. Lawrence Company puis tout ça. Donc moi, je suis allé puiser des fragments de ça. Puis le loup, ben il est fabriqué à partir de ces éléments-là. Donc c'est comme un... Ouais, imaginez un balcon très, très élaboré, une genre de dentelle faite à partir de ce look-là de morceaux de fer forgé, mais ça a la forme d'un loup de 2 mètres, presque 2 mètres 50 de long. Là. Puis petite anecdote, tu me parlais justement de la réalisation de la maquette qui s'est faite dans un contexte aussi un peu spécial, parce qu'on sait qu'un artiste, hein, c'est pas un artiste de 9 à 5 du lundi au vendredi. Mm-hmm. Des fois, l'idée géniale peut venir... Effectivement, mon flash est arrivé plutôt tard dans le processus. on avait 4 mois pour préparer nos propositions, puis ça faisait 4 mois que je creusais, mais j'avais pas... manquait mon fil conducteur, puis j'avais toutes sortes de tests que j'avais fait que je trouvais un peu inconcluant, puis quand le loup m'est sauté d'en face, il me restait à peu près un mois à faire, puis ça tombait en plein milieu d'une tournée de spectacle que je donnais avec mon groupe, ce qui fait que ben, je me suis retrouvé à fabriquer ma maquette effectivement dans le camion en tournée dans le backstage la veille de la remise et voilà, donc oui, ça a été un pas pire sport. OK, parce que t'es quand même quelqu'un aussi qui travaille beaucoup la matière, t'es étudiant en design industriel. Est-ce que tu vas réaliser techniquement cette œuvre-là? Oui, ben en fait, je fais toute la partie loup, c'est moi qui vraiment la prépare. Par contre, la partie très précise de la soudure qui est soudée de l'aluminium, c'est une technique qui est difficile, puis ben, dans laquelle je suis pas parfaitement, je suis capable, mais je suis pas assez bon, à mon sens, pour faire de l'art public là-dedans. Fait que je vais travailler à l'œil de poisson pour ce projet-là, donc c'est Francis, l'abussionnière, qui est comme le roi de la soudure d'aluminium, qui va faire mes soudures. Ouais. Voilà. Puis en terminant, le titre de cette œuvre-là? Écoute, si tout va bien, l'œuvre va s'appeler Gros Loup. Okay. Parce que peu importe comment je l'appelle, si c'est un loup et que j'y donne un nom qui n'est pas collé là-dessus, ça va finir par s'appeler quelque chose loup. Le Limoilou, c'était comme le loup chez Falardeau. Fait qu'il restait comme Gros Loup. Je n'ai pas confirmé encore, mais dans ma tête, c'est comme mais ça. Mais en même temps, c'est cool, ça va avec l'esprit de Limoilou aussi. Tu as quelque chose de très ouvert. Là. Les gens pourront la nommer comme ils veulent. Oui, effectivement. Mais d'après moi, ça va finir. On se rejoint au loup. Moi, je voulais juste te demander, avant qu'on se quitte, j'ai lu que, parce qu'en même temps, dans cette section-là, il y a l'horloge qui est là, puis l'horloge va s'intégrer à ta sculpture. En fait, l'œuvre sert à remplacer l'horloge. Par contre, ça faisait partie des contraintes qu'il fallait réintégrer un élément d'horloge. Donc, il y a une horloge qui est à même le socle sur lequel le loup est installé, qui va être préservé. Ça va être vraiment dans l'esprit de l'horloge qu'on trouve déjà, c'est-à-dire surface carrée blanche avec les aiguilles, pour vraiment citer ce qui est déjà là, parce que cette œuvre-là, cette horloge-là, malgré son look, disons, assez ordinaire, est quand même très importante pour le quartier. C'est un point de rassemblement. Oui, c'est ça. Puis elle est là depuis les années 60. Puis j'ai été chicané par la brigadière qui travaille au coin de la rue que si j'y enlevais son horloge, elle allait venir me chercher. OK. Mais ça faisait partie. Donc, tu sais, c'est juste pour traduire que est importante cette horloge-là pour des gens, pour plusieurs personnes. Donc, moi, j'avais ça comme contrainte. Ça faisait partie du concours. Fait que oui, il va rester l'horloge. Mais moi, je trouve ça... En tout cas, moi, je suis bien contente. Le prochain jour de l'an, justement, ça va se passer à côté du gros loup. Là. Oui, au pied du gros loup. C'est super. Fait que les gens ne seront pas trop déstabilisés par l'arrivée de cette nouvelle œuvre-là. Les éléments vont être là. Puis, je pense que ça va vraiment aussi donner un caractère, une personnalité assez intéressante à ce lieu-là. Ben, Guillaume, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de nous en parler. On aura peut-être l'opportunité de se rejaser de tout ça un peu plus tard, quand l'œuvre sera bel et bien installée. Oui, voilà. On fera une belle inauguration pour Super. Merci beaucoup, Marie-Claire. Ben, merci à vous. Donc, on s'en va en pause audio. On s'en va écouter l'extrait « Radiance of the Stars ». Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale, on est toujours en bonne compagnie, cette fois-ci avec Suzy Dufour. Bonsoir, Suzy. Bonsoir, Audrey. Et tu es accompagnée de Raphaël Degroote. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On avait hâte que tu reviennes parce qu'on n'avait pas eu l'opportunité de te croiser au début de ton exposition. Donc, on s'est dit, bon, on va se reprendre à peu près à mi-parcours pour justement parler de cette très belle exposition qui est au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Ben, mesdames, je vais vous laisser jaser. Je sais que Jean-Tiane voulait se joindre à la discussion parce qu'elle est allée voir aussi cette exposition-là. Donc, je ne sais pas par quoi vous avez envie de commencer, mais je vous cède la parole. Raphaël, tu travailles sur le projet Le poids des objets depuis 2009, je crois. Oui. Donc, il s'agit un peu de l'aboutissement de ce projet-là qui est présenté dans l'exposition Rencontre au sommet au Musée des Beaux-Arts, Musée national des Beaux-Arts. Peux-tu nous parler un peu de ce projet d'envergure sur lequel tu as travaillé pendant 7 ans? En quoi ça consiste, en fait? Le poids des objets, ça a commencé bien simplement en Alberta en 2009, alors que je faisais une résidence à la Southern Alberta Art Gallery. Simplement, j'ai commencé par une collecte d'objets. J'ai offert à la population de Lethbridge l'occasion de se départir d'objets qu'ils avaient à la maison, rangés dans les placards, en dessous du lit, cachés, des objets qui font plus vraiment partie de leur vie active, mais que pour une raison plus ou moins consciente, ils n'ont jamais réussi à jeter ou à donner. Donc, parfois, des objets auxquels ils peuvent être attachés, mais parfois pas du tout. Parfois, en fait, ce sont des objets qu'on cache parce qu'on est gêné, on est embarrassé. J'ai fait cette collecte ensuite. J'ai poursuivi cette collecte dans plusieurs villes, plusieurs pays, incluant ici à Québec même. Oui, moi, je me souviens de ça au lieu. Oui. J'avais voulu aller porter mon objet, puis j'avais pas été capable. C'est ça. Mais oui, j'avais fait une collecte au lieu, exactement. Et donc, le projet s'est développé comme ça au fil de différentes collectes et par étapes. C'est comme si la première étape, j'ai voulu porter le poids des objets littéralement sur mon corps. Peut-être certaines personnes de Québec qui étaient venues au lieu se souviendront donc de moi qui me charge littéralement des objets jusqu'à temps que je ne puisse plus, jusqu'à épuisement, disons. Et ensuite, il y a une autre étape que moi j'appelle la réserve où je, suite à une résidence en fait à la Chambre Blanche, donc toujours ici à Québec, où j'ai cherché à établir des liens entre des objets de ma collection et des objets qui seraient dans des collections muséales. Et c'est alors que j'avais cogné à la porte du Musée de la Civilisation pour justement faire une recherche dans leur banque de leur base de données. Et un peu, j'abordais la chose à ce moment-là comme si les objets, comme si je pouvais trouver des liens généalogiques, comme si on pourrait trouver des cousins, des cousines, des grandes tantes dans la collection du Musée de la Civilisation. Par tout un jeu d'associations, parfois évident, la couleur d'un objet, sa fonction, sa forme, mais parfois moins évidente en partant de l'histoire de l'objet. Parce que quand j'ai fait les collectes, je recueillais aussi des anecdotes au sujet des objets et... souvent aussi la raison, par exemple, pour laquelle la personne qui m'offre l'objet est prête à s'en départir. Donc, des anecdotes parfois chargées, pleines d'émotions, et d'autres fois, simplement, c'est le surplus dans lequel on vit, et il n'y a pas d'histoire en particulier, donc des anecdotes qui banales, de tous les ordres. Alors, c'est ça. Donc, je faisais aussi des liens entre mes objets, les histoires donc derrière ces objets et des histoires d'objets que je pouvais trouver dans la collection ou des très minces indices, disons, d'histoires d'objets dans la collection du Musée de la Civilisation. Et suite à ça, comme ça, c'est comme si moi, à partir de mes objets, je me suis vraiment mis à regarder partout autour de moi, même quand je voyageais. Il y a un échantillon de ma collection m'accompagnait en valise et là, je débarquais à Guadalajara et je me dis, ben où ces objets voudraient aller? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir à Guadalajara? Ils sont vraiment devenus mes compagnons. Et comme ça, donc, je me suis mis aussi à faire beaucoup de liens avec des lieux, avec des faits historiques, avec toutes sortes de choses qui ne sont pas des objets eux-mêmes. Donc, les objets m'ont fait réellement, à partir des objets, je me suis mis à voir le monde autrement. Donc, non seulement je les voyais autrement, mais aussi le monde qui m'entoure. Et donc, je me suis dit, mais les objets ont plein de choses à dire. Alors, j'ai commencé à imaginer un sommet qui serait comme donc cette dernière phase, qui serait comme dernière étape de ce grand cycle de 7 ans. Et j'arrive pas à y croire moi-même. Mais ça passe vite quand même. Oui, ça passe vite, c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à imaginer une grande rencontre d'objets. Où là, moi, la petite histoire que je me raconte de façon très, pas naïve, mais candide, j'imagine les objets qui se posent, de ma collection, qui se posent la question de leur destin. T'sais, un moment d'autodétermination, comme si, lors de ce sommet, ils chercheraient eux-mêmes à prendre des décisions quant à leur avenir, plutôt que ce soit moi qui décide. Pour eux. Tout le monde m'a demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces objets? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, le sommet, pour moi, c'est un moment où j'essaie, tant bien que mal, le plus possible. Bien sûr, c'est un jeu. C'est toujours moi qui est à l'arrière et qui bouge les objets, qui les manipule. Mais le jeu, donc, d'inverser le point de vue. Ici, on réfléchissait à partir de ce moment-là, à partir des objets, comme si une autodétermination serait possible. Alors, c'est comme une mini-société qui se crée. Les objets sont un prétexte pour imaginer... pour imaginer quoi? Mais pour imaginer... Un grand dialogue qui s'installe entre les objets. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais assez touchée. J'étais en salle et il y a une dame qui m'a tout de suite reconnue. Parce qu'il y avait le vidéo, en tout cas, elle m'a reconnue, puis elle m'a dit, mais ce sont des personnages. Elle dit, j'ai pris beaucoup de temps à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lire dans l'exposition, donc c'est ces anecdotes qu'on découvre au sujet des objets. Et graduellement, si on y accorde le temps nécessaire, effectivement, les objets ne sont plus tout à fait juste la tirelire de leur amant, ils prennent vie. Oui. Eh bien, on va... s'arrêter ici quelques instants pour faire une brève pause publicitaire, mais on va poursuivre sur cette réflexion-là, mais aussi s'intéresser à la fois à la performance, Suzy, que tu as vue la semaine dernière, oui. Mais également à l'événement qui s'en vient tout juste là demain aussi. On veut pas manquer ça, donc c'est une autre belle occasion pour te rencontrer aussi en personne. Donc, on s'en va faire une pause publicitaire et on continue à jaser au retour. Le plein air, la foule sont parfois de rudes adversaires pour le micro. CKRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Anomalisa, l'hermine, l'invasion américaine, les mauvaises herbes, Oncle Bernard, l'anti-leçon d'économie. La série Divergence présente Allégeance, partie 1. Shakespeare's Duchess of Malfi. Et à ne pas manquer au Musée de la Civilisation. Le Royal Opera House présente Cavalleria Rusticana, l'hermine. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Objectif, 40 000 $. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 1er avril 17h et vous pourriez gagner le prix spécial pré-radiothon de 150 $ de la boutique Le Pédalier et le prix spécial Membership, un panier de certificats cadeaux d'une valeur de 200 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Ghislaine de la succursale Saint-Roch vous propose l'album jeunesse Gros Dodo de Michael Escoffier. Le duo préféré de notre libraire est de retour avec une histoire drôle à souhait et une finale qui frappe. Et Christian de la succursale du Vieux-Québec vous suggère « En attendant, Beau Jungles » de Olivier Bourdeau. Ce premier roman raconte la valse émouvante d'un amour fou, littéralement fou. Une histoire belle et triste à la fois, portée par une langue délicieusement inventive. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions musicales tous les samedis. Michel-Ange avec Michel Gay à midi. Rétrogardiste avec Christina Moschilli à 17h. Ma boîte à cassette avec Jean-Philippe Deschênes en 6 à 8. Alors, 18h03, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale et je suis toujours en compagnie de Raphaël Legros, de Suzy Dufour et Jean-Tiane Lafrance. Donc, on s'intéressait un peu à ce projet, justement, que tu prépares, que tu présentes en ce moment, Raphaël, au Musée national des Beaux-Arts. Et la semaine dernière, tu as présenté une performance devant le public et Suzy, tu as eu l'opportunité d'y assister. Oui, j'ai eu la chance d'y assister, absolument. Oui. Puis je trouve que c'était vraiment un privilège de pouvoir entendre aussi de la bouche de l'artiste tout le processus d'une manière qui n'était pas, c'était pas une conférence, c'était vraiment de manière artistique que c'était articulé, mais de voir l'origine finalement de ce dont Raphaël parlait tout à l'heure, là, c'est-à-dire le processus d'accumuler des objets, puis de voir l'histoire des gens qui étaient derrière. C'était, et là, dis-moi si je me trompe, Raphaël, mais c'était à la fois des récits qui étaient racontés, mais en même temps, derrière, ben il y avait finalement des photographies qui étaient prises lors de l'échange des objets ou lors du transport des objets en voyage, comme Raphaël le disait tout à l'heure, là, dans les valises. Puis, on voyait finalement s'animer petit à petit ces objets-là en cours de processus de création durant ces 7 années-là, le chemin qu'ils avaient fait, ces objets-là, jusqu'aux réserves du Musée de la Civilisation même, où on voyait finalement Raphaël avec son manteau chargé d'objets justement puis là en fait c'était séparé en deux. Il y avait d'une part ce récit-là avec des photographies d'échanges d'objets où on voyait la main des gens qui donnaient les objets aux mains de Raphaël, si on veut, dans un intérieur qui était finalement l'intérieur généralement des gens qui offraient ces objets-là. Donc, on avait en même temps le privilège de voir l'ambiance, d'entendre parfois le récit des gens eux-mêmes, donc d'entendre leur voix, de peut-être cerner leur personnalité, puis de faire le lien avec l'objet finalement qui en résultait, qui était donné par la suite. Puis bon, ça, c'était une partie, puis l'autre partie, mais c'était le vidéo que la réserve. La réserve, exactement. Qui dure 17 minutes à peu près. Exact. Un petit court-métrage. Un court-métrage très artistique qui, avec tout le récit qu'on a eu avant aussi, donne une autre perception finalement de ces objets-là qui sont mis en relation, oui. Puis à entendre parler, c'est ça aussi, à la fois les deux, tu sais, je veux dire, il y a ce rapport, c'est, il y a une certaine humanité, une humanisation de l'objet ou derrière même, tout ça, oui. La vie qui anime cet objet-là, donc je trouve ça extraordinaire, parce qu'un objet, pour tout le monde, on regarde ça, un crayon, c'est un outil. Voilà, c'est un outil, c'est un élément matériel, mais là, on va au-delà de ça, vraiment, littéralement. Moi, en retournant chez moi, après cette performance-là, je regardais les objets autour de moi, puis je pouvais pas m'empêcher de penser, c'est quoi cet objet-là? Qu'est-ce qu'il fait chez moi? Ça vient d'où? Puis je pense qu'en voyant l'exposition, parce qu'il faut en parler aussi, qu'il y a une exposition qui présente ces objets-là dans la salle d'exposition du Musée national des Beaux-Arts du Québec, bien, on est apporté, on est mené finalement à se poser ces questions-là au retour, finalement, qu'on arrive chez soi. Puis c'est super intéressant, moi, je trouve que ça colle bien au quotidien, que c'est une démarche qui questionne beaucoup le spectateur, tout en les touchant, généralement, avec tous ces récits-là qui accompagnent les objets. Donc, voilà. C'est ce que... Moi, c'était ma perception de la performance de mercredi dernier. Super. Et puis, il y aura une autre activité, justement, ce mercredi, où, encore une fois, il y aura... Demain, exactement. Donc, une action aussi. À 7h30. Il y a le lancement du catalogue, donc, ouais. qui a de nombreux auteurs aussi qui ont participé à ça. Donc, j'imagine qu'il va retracer, en quelque sorte, le projet, mais qu'il va aller au-delà, pouvoir sa portée de signifiante, j'imagine, ou enfin, j'ai pas pu voir ce catalogue-là encore, mais en fait, ça va être une belle occasion justement de creuser plus loin ce projet-là, j'imagine. Hein? Oui, oui, c'est certain, mais demain, en fait, avec les complices au musée, parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe muséale qui était là au vernissage et qui manipulait avec moi les objets, donc il va y avoir une autre action un peu du même type, où là, la salle... En fait, on prépare la salle pour ma résidence qui va avoir lieu jusqu'au 27 mars, où je vais être présente à tous les jours au musée, en fait, pour tenter de remballer, de remettre dans la caisse de transport par laquelle, en fait, les objets sont arrivés au sommet, et là où je range toute ma collection d'objets. En fait, je vais tenter de tout rentrer les objets dans la caisse, mais d'une manière qui, pour moi... est une composition, comme si ça pouvait venir ranger les objets en fonction des relations que les objets ont les uns avec les autres, et donc non pas ranger simplement de façon fonctionnelle ou justement dans une boîte pour cacher, mais pour créer un lien, et en m'imaginant qui veut être assis à côté de qui va coucher avec donc continuer ce même jeu. Donc l'objet, pour moi, en le rangeant, il est toujours vivant, alors comment on le range, qu'est-ce qui, dans ce rangement, crée une sorte d'autre couche de sens que le rangement lui-même. Et ensuite de ça, imaginez comment on pourrait redéployer les objets dans l'espace. Donc, en fait, mon travail va s'accompagner de consigner ce protocole, ces instructions, parce que j'imagine ça comme un leg. C'est-à-dire que moi, à partir de ce moment-là, si je devais réouvrir ou représenter la caisse et ses objets, il faudrait que je suive donc les instructions que j'aurais consignées durant cette période de temps jusqu'au 27. Alors, c'est un défi parce que moi, finalement, les objets... la caisse a été construite sur mesure sur les dimensions du plus gros objet, qui est un fauteuil, un Lazy Boy. Mais... jamais tous ces objets-là, pour l'instant, n'ont été ensemble dans la caisse. Alors, je ne sais pas si ça va rentrer. C'est vraiment pour moi un défi. Je suis vraiment... Bon, mon travail, c'est souvent ça aussi. Il y a comme... je suis sûre, le... Comment dire? Il y a un petit stress, là. Oui, stress, le il y a un petit défi, une épreuve. Il faut faire rentrer ça. Peut-être pour spécifier pour les auditeurs, c'est 1800 objets, hein? Ben, à peu près. C'est-à-dire, il faut comprendre que sur ces 1800, sur ces 1800 objets, il y en a beaucoup maintenant qui déjà ne sont plus à moi. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle le manteau, qu'on reconnaît là, quand on arrive dans la salle d'exposition. C'est vraiment un manteau qui gise au sol, et lui-même, il est rempli de, je pense, 138 objets ou 137 qui faisaient partie de ce 1800. Okay. Donc là, on pourrait dire 1800 moins 138 moins... Et là, il y a certains autres objets comme ça. Donc là, on n'est plus à 1800, mais ce sont des centaines et des centaines de choses. D'une petite perle ou même d'un fragment de vitre brisée, parce que quand certains de mes objets ont brisé, je garde tout ce qui est possible de garder de l'objet. Je ne jette pas aux poubelles. Et alors, un objet qui était un devient 15 fragments. Alors, du plus petit au plus gros, qui est donc ce fauteuil Lazy Boy. Lazy Boy. Oui, exact. Donc, en quelque sorte, avant qu'on termine, les gens, donc tu vas ranger ces objets-là pendant ta résidence. Oui. Mais est-ce que, donc, l'exposition va se transformer, là, finalement? Donc, ça va être un démontage? C'est comme une forme de démontage, sauf que, en fait, moi, j'imagine, je pense que c'est comme si je faisais 10 installations installation, c'est-à-dire une installation par jour, en quelque sorte, mais qui graduellement est toujours en... Tout ça se transforme. Il y a aussi la partie, là, c'est, il va y avoir des gens qui vont certainement venir et donc certainement un échange. Peut-être que j'aurai des suggestions sur comment m'y prendre pour rentrer les choses. Ce sera bienvenu. C'est ça. C'est comme si c'est un processus d'ordre et de désordre et d'ordre ordonné par-dessus ordre. Comme l'ordre qui fait boule de neige et qui devient comme un monstre. Un monstre. Enfermé dans une boîte. Dans une boîte, oui, éventuellement. C'est ça. Dans une boîte. Et ça, mais j'ai très hâte de voir, en fait, quelle sera notre lecture de l'espace lui-même. C'est ça. Je ne sais pas trop comment expliquer ou parler. Outre l'épreuve, c'est ça, mais de toute façon, ce sera une belle occasion d'aller te voir, justement, pour voir comment tout ça va se manifester, parce qu'il y a beaucoup aussi de pas de l'imprévu, mais de l'inconnu aussi dans ce genre de résidence-là. Oui. Donc, ce sera une belle occasion pour le public d'aller voir tout ça et tout. Eh bien, Raphaël, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Je pense que vraiment, ça nous a fait la lumière aussi sur cette installation monumentale. Et il faut rappeler donc que demain, lancement du catalogue, plus action qui va se passer. Le public est invité à compter de 17h30 et l'exposition. Ben, tu es en résidence du 17 mars au 27 mars aussi. Et l'expo, vous aurez jusqu'au 17 avril pour passer au musée, mais ne tardez pas. Puis je pense que demain soir est une très belle occasion pour aller voir cette œuvre-là, mais aussi te rencontrer, bien saisir toute l'ampleur de ce projet-là. Donc, merci aussi, Suzy, d'être venue nous accompagner dans cette discussion-là. Ça a été un vrai plaisir. Donc, nous, on s'en va en courte pause audio. Donc, on s'en va écouter toujours Teviski avec Keys of Creation. Eh bien, après un très bel entretien, on en a un autre. Cette fois-ci, on est accompagné de Sarah Booth. Bonjour, Sarah. Allô. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Yay. Alors là, dans les derniers milles de la présentation de cette exposition Vibre qui va être présentée au Cercle prochainement, ça se passe bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Concentrée sur la vidéo, le montage... J'apprends tous les jours. Super. Mais je suis sûre que tout va être prêt pour le vernissage ce jeudi soir. Donc, Sarah, c'est pas la première fois qu'on te voit à Québec non plus. Les gens ont pu découvrir ton travail, notamment quand il y avait eu l'exposition Sauvage au prochain emplacement du diamant oui. Justement. On avait pu aussi voir ton travail de fin de maîtrise qui était juste à côté, le local à côté du Cercle. Oui. Et puis là, ben, j'étais curieuse de savoir ce projet-là parce que toi, tu travailles beaucoup en gravure, en dessin, en estampe, mais aussi en vidéo. Oui. J'étais curieuse de savoir est-ce que c'est en continuité avec ton travail normalement ou il y a des nouveautés, des éléments qui s'ajoutent? Oui, absolument. C'est vraiment une continuité. J'espère de plus en plus qu'il va y avoir un mélange ou un assemblage entre la vidéo et la gravure, ce qui n'est pas vraiment commun. Oui. C'est ça. Donc, cette fois-ci, la différence, qu'est-ce qui se rajoute, c'est des cinémagraphes. C'est une découverte pour moi. C'est un mélange entre photo et vidéo. OK. Sinon, on garde encore les dessins animés, la gravure, les impressions, le papier, le bois, le noir et blanc est encore là. Oui, c'est ça, parce que c'est intéressant, parce que quand on voit tes expositions, on a l'opportunité de voir les matrices aussi. Oui. C'est pas juste le résultat, parce que souvent, si on peut dire en gravure, on a l'objet papier, l'objet final qui est imprimé, mais là, on a souvent l'occasion de voir comment ces œuvres-là, ils partent d'où, de cette matrice, justement, sur bois que tu travailles. Donc, oui, exactement. Est-ce qu'on va avoir aussi ces pièces-là dans l'exposition? Oui, donc je suis un peu rebelle sur tous les points. Autant en gravure qu'en dessin animé qu'en cinémagraphe parce que je suis autodidacte. J'ai l'impression que des fois quand je découvre une technique, j'aime bien apprendre par moi-même pour aller vers quelque chose qui m'appartient, comme une technique qui m'appartient. Donc c'est pour ça que c'est un peu rebelle de vendre et de présenter les matrices que j'appelle aussi matrices tableau maintenant. OK. Ouais. Intéressant. Et puis, je sais que, bon, beaucoup de ton travail est autour du mouvement, le corps humain également aussi. Puis, je pense que pour ce projet-là, tu as travaillé aussi avec des acolytes, si je peux dire. Oui, ben en fait, je pense que ça a commencé d'un rêve de travailler avec des danseuses contemporaines et aussi avec du son, donc avec Josué Bocage, Léa et Ariane. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment des collaborateurs, en fait. J'ai proposé un projet, puis ils étaient vraiment impliqués. Donc, ça a été vraiment une collaboration autant dans la création que dans les idées même. OK. Ouais. OK, intéressant. Oui. Et puis, peut-être pour situer les gens, à quel endroit va se trouver justement cette exposition-là au Cercle? Oui, donc ça va être vraiment côté restaurant. Donc, quand on rentre côté restaurant, dans l'aquarium et aussi dans le restaurant vraiment vers l'avant de l'espace. Puis aussi, on en profite pour que le vernissage soit en même temps que la petite scène, un événement quand même important de danse à Québec. Ah, super. Donc, il va y avoir vraiment une continuité dans le mouvement ce soir-là. S'il y en a qui aiment la danse, je pense que ça va être vraiment une belle soirée. Oui. Puis les filles vont en profiter pour montrer deux petits 7 minutes avec le son de Josué. Dans l'espace, ils vont danser pour montrer un peu... c'était quoi notre recherche à travers... on pourrait dire que c'était la matière première. Oui. Donc, on montre la matière première, puis les œuvres. Exactement. Donc, vraiment, si on veut voir un peu tout le concept du projet, en quelque sorte, tous les éléments, ben c'est au vernissage. Donc, ce jeudi, à compter de quelle heure c'est vraiment un 5 à 7, donc vers 5 heures. Ouais. Excellent. Est-ce que tu avais autre chose que tu aurais aimé nous souligner à propos de ce projet-là, avant qu'on se quitte? Oui, avec plaisir. Je vais être aussi en résumé résidence vidéo. Donc, on va avoir des changements dans la vidéo tout au long du mois. Fait que si y a des gens qui veulent venir me voir, souvent en début de semaine, en avant-midi, je vais être là pour partager avec eux. Parfait. De quel moment à quel moment tu vas être en résidence? Du lundi au mercredi, tout le mois, à partir de la semaine prochaine. Du lundi au mercredi en avant-midi. Oh, c'est quand même intéressant cette idée-là de mixer à la fois exposition, résidence. Donc, on a l'impression justement que même dans, je veux dire, hors des lieux, si on peut dire habituels, des centres d'artistes, par exemple, où on voit peut-être plutôt ce genre de choses-là, ben c'est intéressant aussi que le cercle offre cette opportunité-là, qui t'offre cette opportunité-là. Absolument. Mm-hmm. C'est vraiment trippant. Oui, puis je pense qu'aussi ça s'inscrivait dans des réflexions du cercle sur la féminité, en tout cas sur le féminin également, là, que je pouvais lire dans le communiqué. Oui, mais je pense que c'est plus Caroline, la directrice artistique du cercle, qui m'invite dans ce cadre-là. Oui. Mais j'avoue que je me suis laissée, j'ai pas trop pensé à la féminité. Okay. C'est mais plus elle qui... Je pense que c'est assez déjà là présent dans ton travail de façon inconsciente, du moins aussi. Ben écoute, Sarah, je te remercie beaucoup et on va inviter tout le monde bien sûr à aller te rencontrer donc ce jeudi à 17h au Cercle. Sinon, c'est jusqu'au 16 mai qu'on va pouvoir voir ton travail qui s'intitule Vibre. Oui, merci beaucoup. Hein. Alors, nous, on fait une courte pause audio. On s'en va écouter Infinity Mirror. Alors, on est déjà presque rendu à la fin de l'émission et bien sûr, comme à chaque semaine, on fait un tour des événements donc en art visuel et il faut dire que cette semaine, c'est assez chargé, comme je vous le disais en début d'émission. Donc, ce mercredi, on vous rappelle bien sûr, à compter donc de 17h30, lancement de la publication et action performance de Raphaël de Groot au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Et jeudi, bien, vous allez pouvoir faire quand même un petit duo. On a parlé il y a quelques instants avec Sarah Booth de son exposition Vibre dont le vernissage va avoir lieu donc au Cercle à 17h ce jeudi. Eh bien, à quelques pas de là, à la Galerie des arts visuels, au même moment, à compter de 17h, et toujours, j'imagine, en formule 5 à 7, c'est le vernissage de Marie-Christiane Mathieu, Musique de char, toujours plus à l'ouest, donc à la Galerie des arts visuels. Et sinon, jeudi, également, un petit peu plus loin, mais cette fois-ci au Patro Rocamadour, le vernissage de l'exposition québécoise musulmane et après. Donc, un photo-reportage qui fait le portrait de femmes musulmanes au Québec et qui entend s'éloigner des stéréotypes habituels qu'on peut avoir. Et ça offre, bien sûr, des portraits qui rendent compte de la diversité des personnes musulmanes au Québec, tout en laissant entrevoir une réalité donc plus complexe. C'est de 17h à 19h ce jeudi, le vernissage donc au 2301 premier avenue. L'expo, elle, est de courte durée du 16 au 24 mars. Sinon, ce vendredi, il y a le vernissage de l'exposition « Ils ont regardé la mer » de Cynthia Nagar à la bande vidéo, donc c'est à compter de 17h. C'est aussi le début de la deuxième foire de la Fabrique, donc des étudiants au baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Et c'est seulement pour deux jours, donc vendredi soir et samedi dans la journée. Et cette fois-ci, plutôt que d'être à la Fabrique, c'est à Lévis, à la Galerie galeries Archipel et Lilo, donc au 5743 rue Saint-Louis, donc à quelques pas du traversier. Donc allez jeter un œil, vous pourrez vous procurer des peintures, dessins, estampes, photographies et sculptures à très petit prix. Donc vendredi de 17h à 20h30 et samedi de 10h30 à 16h, pardon. Et sinon, ce samedi débute l'échange Québec-Bangkok à la rencontre de l'autre, donc pour découvrir le travail d'artistes thaïlandais. Et c'est un vernissage progressif, donc dès 14h à la Chambre Blanche, 15h c'est à Méduse avec Avatar qui est dans la vitrine de la Manif d'art, à l'œil de poisson et vue également. Donc, et on termine le tout au lieu à 17h. Et en même temps, il faut rappeler que c'est le vernissage de Valérie Perron dans la petite galerie de l'œil de poisson en même temps. Sinon, on a le vernissage ce dimanche de Tania Girard, Savoie, donc l'exposition Flottement chez Michel Guimond à compter de 13h. Et dernière semaine pour voir Francine Simonin à l'Assert Art Contemporain. Donc, on avait déjà mentionné, mais l'exposition a été prolongée jusqu'au dimanche 20 mars. Donc, si vous voulez reprendre nos entrevues et également connaître toutes les informations sur les activités en art visuel, on vous invite à consulter notre page l'aérospatiale ckrl.wordpress.com. Et je remercie bien sûr nos invités Guillaume Tardif, Raphaël Legroot, Sarah Booth et également nos collaborateurs Marie-Claire Tremblay, Suzy Dufour ainsi que Jacques Gignac à la mise en onde. Et bien sûr, ma précieuse co-animatrice qui a dû quitter faute d'une grippe virulente, donc Jean-Tiens de la France, merci beaucoup d'être parmi nous. Et bien sûr, je cède l'entrée à Pierre Blais, son émission Situation Critique. Nous, on se voit mardi prochain à 17h30. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. J'ai peur des Nicolas, j'ai pas peur de l'art. Safia Nolin offre une version inédite de Technicolor, accompagnée par Philippe Lausier à la clarinette basse. Dans une autre heure. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Le 24 mars, l'Octopus lancera son tout premier album. Cette femme orchestre aux allures de pieuvre chantera pour l'occasion, accompagnée de ses musiciens, au Fou Bar en formule 5 à 7. Pour en apprendre plus, visitez l'octopusmusique.com. C'est un rendez-vous, le 24 mars, dès 17h, au Fou Bar. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolight et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Situation Critique vous est présentée par le Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En mars, ne manquez pas au Cinéma Le Clap l'invasion américaine. Dès le 11, la démolition familiale